Les souvenirs de la ville natale sont gravés indélébilement en soi. Surtout parce qu'elle a été le témoin des fous moments de votre jeunesse, l'âge d'or de la vie. L'on ne peut cesser de clamer les faces de Port-au-Prince. Autrefois, tu étais le logis des princes. Il y avait de la gaieté même dans les provinces. Tu nous as vu grandir avec la joie au cœur. Partout, c'était l'allégresse, le bonheur. Port-au-Prince, tu as rendu notre jeunesse fantastique, chargée de souvenirs féeriques. La jeunesse, la plus belle phase de la vie, tu l'as comblée d'envie. Port-au-Prince, c'était le temps de l'amour candide, enjolivé par toutes tes beautés splendides qui nous faisaient tous tourbillonner comme dans une danse de guédé. Port-au-Prince, nul ne peut se passer de toi. Tu nous as tous comblés d'émoi et tout le monde doit toujours penser à toi. Port-au-Prince, vivre loin de toi, c'est comme un martyr. Mais heureusement, nous avons apporté tes souvenirs. Port-au-Prince, nous continuerons à t'aimer. Tu ne seras jamais l'oublié de bonheur pour ce que tu nous as tant procuré.